L'essaim, E2SAIM. Comme on échardonnait les blés, Bernard Bury, travaillant au sien, dans les champs de Heurtebise, allait tirer un beau grand chardon quand il vit, tapis dessous, en son gîte, un joli lapin qu'il cueillit par les oreilles aussi facilement qu'une salade. Et notre homme, tout réjoui de s'en retourner au logis, conter son aventure à ses voisins à l'heure du dîner, son lapin d'une main et de l'autre tenant sur son épaule, du bout de ses tenailles de bois, le chardon touffu, grand, beau, large et bien fleuri. Or, en chemin, voici un essaim de mouches à miel venir à lui, en bourdonnant avec un bruit de trompette, luisant au soleil comme une roue d'or, et qui, après avoir bien tournoyé autour de Léonard et de son chardon, enfin s'y abat en une belle grappe serrée. Qui fut ébahi? Notre laboureur. Mais sans rien dire, comme un homme d'esprit, il emporta doucement l'essaim au bout de sa pince de bois. Bien joyeusement, tout doux, il alla le secouer au rucher de son jardin, dans une corbeille frottée de piment, où il le laissa profiter. 19 ou 20 jours après, il pouvait déjà essaimer 4 essaims qui, l'année même encore, environ la mi-juillet, en jetèrent chacun 2 aussi. L'année d'après, chaque ruche en fit 4. De façon qu'à la Saint-Michel, qui tombe fin septembre, le compère Léonard en vendit pour plus de 111 francs 3 sous. On dit bien vrai, un essaim de mai vaut une vache à lait. Il fait de l'argent, et qui a de l'argent, il a des coquilles, mes filles. De paresse vient indigence, de labeur bien en abondance.